Bonjour, bonsoir, bienvenue au Cirque Aquatique Magique. À votre compagnie, François Gécouillard. C'est pour moi une grande jouissance de vous accompagner et de m'introduire dans les orifices de vos oreilles. On commence avec un bloc consacré à la fantaisie, à la joie, à la jouissance, au bonheur. On parle des femmes rondelettes. Alors, on va écouter une pièce qui s'appelle À tous les mecs. Oh là là! Qu'on a connu avant, qui nous reconnaissent même plus maintenant. C'est pas qu'on est grossi, on reste petite fille, malgré nos tailles d'éléphant. À tous les mecs qu'on a usés avant, qu'on a ruinés dans les bancs. Restaurant. À nos baisers ratés, à nos parfums secrets, fallait bien du déodorant. On mangeait, on buvait, pour nous c'était comme faire l'amour de resto. En bistrot, c'était la grande bouffe. Tous les jours on rôtait, on se gavait, on s'en mettait toujours plein. Bien souvent, on risquait d'exploser pratiquement tout le temps. Tous les mecs disaient qu'on était dans le vent. Fallait en faire le tour. À tous les mecs qu'on a connus avant, qui nous reconnaissent même plus maintenant. C'est pas qu'on est grossi. Reste petite fille, malgré nos tailles d'éléphant. À tous les mecs qu'on a usés avant, qu'on a ruinés dans les bons restaurants. À nos baisers ratés, à nos parfums secrets, fallait bien du déodorant. On mangeait, on buvait. En bistrot, c'était la grande bouffe. Tous les jours, on rôtait, on se gavait, on s'en mettait toujours plein le four. C'était dingue, car nos fringues menaçaient d'éclater bien souvent. On risquait d'exploser pratiquement tout le temps. Tous les mecs nous disaient qu'on était dans le vent. Qu'on a connu avant. Il y a des travailleuses, des travailleurs qui vivent des moments difficiles à l'heure actuelle, particulièrement au papier White Birch. parce qu'ils se font... Excusez l'expression, je sais qu'à l'Assemblée nationale, en dedans, j'aurais pas le droit de dire ça, j'en profite, je le dis tout de suite. Ils se font fourrer par le système capitaliste. Dans toute la France, pour être en vacances et vivre entre amis les joies de la vie. Pêcher le poisson, marcher dans les prés et chanter ensemble ce refrain. Prenons la vie du bon côté, il y a toujours un morceau de ciel au bout de la route. Avec vos amis, vous aimez la vie, alors vous aimez Ricard. Ah, qu'il est doux de ne rien faire, étendu au soleil. Rêvant que l'on est en vacances toute l'année. Dans toute la France, pour être en vacances, alors entre amis, Anisette, Ricard. Vous aimez la vie, vous aimez l'eau fraîche, alors Anisette, Ricard. Et vivre entre amis les joies de la vie. Pêcher le poisson, marcher dans les prés et chanter ensemble ce refrain. Prenons la vie du bon côté, il y a toujours un morceau de ciel bleu au bout de la route. Avec vos amis, vous aimez la vie, alors vous aimez Ricard. Dans toute la France, pour être en vacances et vivre entre amis les joies de la vie. Dans toute la France, pour être en vacances, alors Anisette Ricard. Dans toute la France, pour être en vacances et vivre entre amis les joies de la vie. Dans toute la France, pour être en vacances, alors Anisette Ricard. De la France pour être en vacances et vivre entre amis les joies de la vie. Dans toute la France pour être en vacances, alors Anisette Ricard. Moi, je vais revenir ce matin sur le procès de Saint-Jérôme, l'institutrice avec le petit gars. Ah, il a rendu un service épouvantable, de l'envoyer au ciel alors qu'il était tout jeune. Moi aussi, j'ai connu ça à cette époque-là, à l'âge de 13-14 ans. C'est que c'est ça, cette affaire-là, dans les procès là-dedans. Là. Tu sens, moi, j'en pas d'allure. Si tu veux, je te raconterai comment ça m'est arrivé. Ah, ben, donc, c'est sûr qu'on veut savoir ça. On n'a pas le temps, là. C'est en quelle année? On n'a pas le temps. J'avais 14 ans, 15 ans, puis une voisine qui m'avait demandé d'aller chercher un paquet de cigarettes un soir. Je suis allé, ça tombe bien, mais mes parents allaient au bingo. Puis je me suis fait coucher sur le lit, puis bang, bang, bang, bang. Et tu montes au ciel? Je suis plus que mon tour ciel. J'allais là le soir très tard pendant que tu connais te coucher. Je montais l'escalier par en arrière. Puis ça va. Donc, c'est quoi cette affaire-là, un procès? Es-tu frustré parce qu'elle l'a maudit là? Il a pris 300 shots avant qu'il décide de démontrer les hommes. Bonjour, viens pas. Tellement fort que ce truc-là va s'écrouler. On va terminer sous les décombres et on va rigoler comme des dames. Il y a des gars qui sont nés à Paris, et il y en a d'autres qui sont nés dans le Berry. Moi, je suis de la deuxième catégorie. On est où on peut s'asseoir la vie. Mais pour ce qui est des grands sentiments, dans le monde entier, c'est tout pareillement. Assis-moi dans ma blouse, je suis un vrai fan du blues, et chante à longueur de ton attention. Quand la Marie est jalouse, je chante le blues. On n'est pas là pour rigoler, pour chanter, hein. Alors je chante le blues. Quand le mes samedis dans le Corée des ventouses, je chante le blues. Le blues, faut pas croire que c'est seulement maman pour les gars de la Nouvelle-Orléans. Je prends mon corps, moi qui suis périchot, hein. Eh ben, je connais le blues aussi bien que mes cochons, mon vieux. Car pour ce qui est des grands sentiments, maman, dans le monde entier, c'est tout pareillement. Maman, ainsi, moi, dans ma blouse, je suis un vrai fan du blues, et je chante à longueur de temps. Quand la Marie est jalouse, je chante le blues. Et quand je marche dans la blouse, j'ai chaud de blouse. Quand le médecin dit de courir les ventouses, j'ai chaud de blouse. Hola, America. I go the blues. Yeah, man, thank you, boo. Et c'est ce qu'on appelle un début percutant pour cette émission du Cirque Aquatique Magique qu'on vient d'entendre. Les Charlots qui chantaient Berry Blues. C'était live à l'Olympia. On a entendu aussi une pièce corporative qui s'appelle tout simplement Ricard Vacances. C'est une pièce de l'Anisette Ricard. Et on a entendu les Rondelettes interprétées à tous les mecs. À tous les mecs qu'on a connus avant. C'est une pièce fantaisiste qui raconte l'histoire d'une grosse qui raconte sa vie tonitruante. Et voilà. Que dire sur ces chansons? Mais Ricard, est-ce que vous êtes des adeptes de pastis, de pastraga, d'anisette, de pâté ou de mélange? Donc, c'est tous des synonymes, dans le fond, pour désigner ce mélange, cet alcool à base d'anis. Dans le fond, ça goûte la réglisse noire. Et il faut toujours regarder sur Wikipédia quand on aborde un sujet. Écoutez bien ça. Sous le régime de Vichy, ça c'est la France nazie, là, sympathisante avec les nazis, le pastis est un des symboles du résistant. Il est interdit en août 1940. L'usine Pernod est transformée en chocolaterie. Ricard produit du vermouth, des jus de fruits, des alcools carburants pour le maquis. Donc, ils fabriquaient des alcools pour le maquis, pour dans le fond, les résistants, la résistance. À la libération, la déception est d'autant plus grande que le nouveau gouvernement ne révoque que partiellement les dispositions de Vichy en autorisant que les apéritifs à 40 degrés. Une quarantaine de distillateurs clandestins produisent leur pastis. Une taxe est prélevée par le syndicat pour financer d'éventuels procès. L'État soucieux de trouver de nouvelles recettes fiscales abroge la prohibition. Bien sûr, pour le cash, on va évidemment autoriser le Ricard. Mais, en 1951, une autre loi interdit la publicité des produits anisés par affiche et par presse. Et Ricard décide de relancer sa boisson sous l'appellation de Pastis 51 et envoie ses commerciaux qui contournent cette interdiction en développant des produits dérivés. Peau à eau, cendrier, Bob. Donc, il essaie de faire des pubs de Ricard en faisant des pubs de cendrier. Wow, quelle histoire extraordinaire. Le pastis, qui est une boisson alcoolisée qui a toujours été ostracisée, curieusement, même en 1915, avec l'abolition de l'absinthe, le Ricard a écopé. Et on n'est pas ici pour parler de ça. Oh que non! On est ici pour écouter de la musique. Parce qu'on se trouve dans une émission qui s'appelle Le Cirque Aquatique Magique, en compagnie de François Gécouillard. C'est pour moi une immense jouissance de vous accompagner. On va écouter maintenant un bloc de musique fantaisiste. Non, de musique exotique, pardon. On va se croire comme en Haïti avec les loups noirs et la pièce Jet Begin. Oh là là. Nous même venir danser, nous même venir danser. se da pitajci. Nous sommes sur la piste d'atterrissage de la Martinique par le vol 243 de la Air France, les loups noirs d'Haïti. C'était un drum synthétique. Il avait machiné le drum électronique. All the time they chop the crime with the dude that had a red ass. A fellow with chopped off, that is funny from there. This girl ready to keep what she never did. I've been loved before, so I met up mine. Chuck finds she's on the other side. Oh, I love a pretty little body, hula da. I can't be the wig, oh, hula da. I just shot a big wig, oh, hula da. This girl little wig, oh, someday. But just make her party, got your mind, got your mind. All the time I do a hop, hop party, hula da. So I made up my trap fine, she's on the other. Oh, I love a pretty little hop, honey, hula da. Can't get the wig, oh, hula da. She may shout a big wig, oh, hula da. Oh, he's a long little wig. Oh, someday, gonna just make up, honey, get your mind, get your mind. All the time I dream of hop, hop, honey, hula da. Got your mind, all the time I dream of hop, hop, party, hula, go.

Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard. 26 ans de spectacle. 26 ans d'exposition. 26 ans à recycler. 26 ans de produits du Québec. 26 ans de bonne musique. 26 ans de party. 26 ans à s'impliquer dans le quartier. 26 ans d'entraide. 26 ans à changer le monde. 26 ans de Limoilou libre. Souvent imité, mais le bal, c'est le bal. 1049 3e Avenue Limoilou. Lebaldulézard.com. Avouez qu'on se croyait dans un autre pays exotique où il fait beau et où il fait chaud. C'est pas comme ici. Vous êtes à l'antenne de CKRL 89, voire de Radio Grenouille, pour cette émission qui s'intitule Le cirque aquatique magique. Et on vient d'entendre Gracia et Vela faire Lamento de un Sambista. On a entendu aussi Hula Girl de des Sweet Hollywoodians. C'était de la musique hawaïenne de haut calibre. Et les loups noirs nous faisaient Jet Begin. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'en ai pas la moindre idée, mais si vous le savez, c'est ce que 0 1586. Ici, on allait écouter maintenant un petit bloc consacré au président français. Hein, pourquoi pas, d'ailleurs, bientôt, ça va être le vote pour les présidentielles, là. Mélenchon, Sarkozy, Hollande, Le Pen. Qu'est-ce qui va gagner? Toujours est-il qu'il y a toujours des bonnes chansons qui sortent sur les candidats, candidates et les présidents. Et on va s'attarder au président aujourd'hui. On va écouter une pièce sur Chirac, sur Jean-Marie Le Pen et sur Sarkozy, plutôt sur le parti UMP, le parti de Sarkozy. On va écouter, on va commencer par la pièce sur Chirac qui s'intitule Chirac pour Paris. Oh là là, ça va être bon ça. Ça finit par marcher. Oh! Hey! Hey! Bienvenue, président! Jusqu'à débarquer aux Antilles. Bienvenue, président! Valérie Vini au pays. Bienvenue, président! Tout le monde qui tout le monde va chanter. Bikina jusqu'à destin, en chanson plein d'entrain. Ne soyez pas en retard, vive jusqu'à la fin. Française, Français, c'est le sursaut national. Et pendant ce temps-là, le pays se dégrade. C'est la sécurité et c'est l'immigration. Le ministre tout fier débite ses salades et tombe en solité en lui piquant le son. Comme dans tout problème, il y a une solution. Moi j'ai choisi de faire, oui c'est ma conviction. Je n'ai plus de peine avec Jean-Marie, plus aucun souci avec Jean-Marie. Je redeviens moi-même avec Jean-Marie. terrain d'orange à marignane, de vitrole à boulons, renverser la vapeur, nous marcher sous les mains, jamais désespéré, on arrive mais bon. Comme dans tout problème, il n'y a qu'une solution, moi j'ai choisi elle, oui c'est ma conviction. Souci avec Jean-Marie, je redeviens moi-même avec Jean-Marie, l'avenir nous sourit avec Jean-Marie, je n'ai plus de peine avec Jean-Marie, plus aucun souci avec Jean-Marie, je redeviens moi-même avec Jean-Marie, l'avenir nous sourit. Votez utile, votez Front National. Mais pour rien, quoi faire abattu comme des chiens. Moi je dis qu'on a beaucoup de chance de vivre dans un pays où l'homme n'est pas une bête qu'on maltraite ou qu'on oublie. Le gros problème est dû que les droits de l'homme ne sont pas respectés dans l'égalité des sommes. Certains abusent des dons financiers publics sans même avoir cotisé un moindre fonds d'acétique. Aucun se rend compte que tout devient critique, des sortes de vacances aussi belles que maléfiques. Trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots aussi. Je voudrais que les gens reprennent vie, que chacun ait tout ce qu'ils veulent aussi. Je rêve que mon pays France reprenne vie, que le mouvement populaire nous redonne l'avenir. On nous donne pas trop le choix de faire un job rêvé, mais plutôt de s'en tenir compte au premier taf donné. Le travail au black monte et faut pas s'étonner que les gens craquent sans dette et puis sont étranglés. Bien trop de charges noient tous les patrons d'usine. En fin de compte, c'est nous qui sommes les victimes. Derrière notre patrimoine aussi beau que sublime se cache trop d'actes inégalissimes. Trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots aussi. Je voudrais que les gens reprennent vie, que chacun ait tout ce qu'ils veulent aussi. Je rêve que mon pays France reprenne vie, que le mouvement populaire nous redonne l'avenir. Sans critiquer notre politique, bon sens, ça craint. Trop de gens se plaignent de tous nos politiciens qui se tuent la vie tous les jours comme des chiens à se préoccuper du bien-être de tous les citoyens. La politique appartient à celui qui veut la paix et non pas à celui qui cherche à tout briser. Qui est mieux placé que Sarkozy nous montre la réalité. Ce ne sont que des idées dites par le peuple français. Trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots, encore trop de taxes, trop de dons, oh, trop d'impôts, trop de complots aussi. Je voudrais que les gens reprennent vie, que chacun ait tout ce qu'ils veulent aussi. Je rêve que mon pays France reprenne vie, que le mouvement populaire nous redonne l'avenir. Trop de taxes, trop de dons. Oh, oh. Trop d'impôts, trop de complots. Oh, si. Trop de charges étranglent nos patrons d'usine. S'écrit David Delimont dans cette chanson extraordinaire dédiée à l'UMP qui s'intitule « Mon pays, France ». Et ça ressemble drôlement à Louise Attaque. Hein? C'est de la musique populaire, qu'on pourrait dire. Et on a entendu... c'est David Delimont, c'est un drôle de personnage. Je pense qu'il a même fait une chanson sur Jean-Marie Le Pen. Ou Marine Le Pen. C'est, allez voir ça sur YouTube. David Delimont, tapez ça. C'est ce qu'on appelle un larbin. Hein? C'est quelqu'un qui fait la... qui se met au service du pouvoir contre ses propres intérêts. Et on a entendu aussi... DJ Léo et DJ Guillaume qui faisaient une pièce en hommage de Jean-Marie qui faisait un superbe jeu de mots avec Jean-Marie, je n'ai plus de peine. Ah ah ah ah. Et on a entendu aussi, j'avais dit que c'était une pièce sur Chirac, mais pas du tout, c'est une pièce sur Valéry Giscard d'Estaing qui est absolument extraordinaire. Trois pièces sur les présidents français. Toujours au Cirque Aquatique Magique, on se dirige vers le dernier bloc en compagnie de François-Auger Couillard qui va expirer en direct. Alors restez à l'écoute. Et puis on va écouter un bloc de ska. Trois pièces qui viennent d'un album qui s'intitule The Story of Blue Beat, The Birth of Ska, la naissance du ska. Et on va écouter le Duke Reed avec la pièce Lollipop Girl, la fille suçon. When she's in my arms, she's my sugar plum, full of charms, ooh, yeah. Baby, baby, baby, my heart still yearns for you. You're my lollipop girl, no one for me but you. Oh, when I saw her first, she gave me the chills when we first kissed, and I got the thrills, ooh, faire sa part, on va continuer avec une chanson que moi j'adore excessivement aussi. Malheureusement, c'est quelqu'un que vous connaissez pas qui chante ça. If you didn't love me, why didn't you let me know? Darling, you've left me in tears, and I don't know what to do. I should have known from the start that you're not meant for me. that you would break my heart and leave me here in misery. Ever since you left at night, my heart is aching for you. There's nothing I do that can be right, 'cause I'm worried over you. If you didn't need my kiss, why didn't you let me know? Darling, I just can't resist to tell you I don't know what to do. Ever since you left at night, my heart is aching for you. There's nothing I do that can be right, 'cause I'm worried over you. If you didn't need my kiss, why didn't you let me know? Darling, I just can't resist to tell you I don't know what to do. On vous y attend. Le déguisement est le bienvenu à tous. Thank you. trois formidables et spectaculaires pièces de ska tirées de la compilation de Birth of Ska. On a entendu la pièce Dearest Darling du groupe de Jiving Juniors with Duke Reed and his group. La pièce Worried Over You de Kate and Enid with Trenton Spence and his group. Et Lollipop Girl de Jiving Juniors with Duke Reed. Trois pièces extraordinaires de ce style de musique qui nous vient de la Jamaïque et des Rude Boys. Bon, on va se quitter là-dessus pour réécouter cette émission ainsi que toutes les autres précédentes. Jeunefou.blogspot.com, c'est François Gécouillard qui vous tire sa révérence. Et on va écouter une dernière pièce de Buffy Sainte-Marie. La pièce s'intitule Better to Find Out by Yourself. C'est tiré d'un album qui n'a pas connu de succès à sa sortie, mais qui a été redécouvert par la suite. L'album s'intitule Illuminations. Ciao, à l'année prochaine. À mardi prochain. Every little baby that's ever been born is spanked and made to cry. Every young woman that's ever been loved and shaken and made to sigh. Every young woman that's ever been loved has told me true. Take his heart and run away as he would do to you. Every young man I've ever seen been mean as he could be. Every last one I've loved and run as he would do to me. Take it from me that a man can be more trouble than you'd ever know. He'll love you some and when he's done he'll laugh and let you go. So they told me, and they told me and tease and bow on his knees and then...